أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنجناو بنيو sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ñëwaat kon di aggalé résumé yi ñëwon bu fathu al-hakim al-allam lima fi bulugh al-maram min al-adillati wal ahkam min al-fawa'id wal ahkam bu sunu serigne cheikh mohammed musal mustafa radiyallahu anhu warda a ci jotay bi wessu ñu ngi won ci masailul fiqhiyyi na won ci hadith mu jekk bi ci kitab at-tahara babu izalati najasati wa bayanha moy buntu bi nga xamne ci la imam al-hafid ibn hajar rahmatullah alayhi ci bulughul maram def leral li nga xamne moy naka lañuy dindé sobé yi ak leral lan moy sobé ñu ngi won ci hadith bu ñëkk bi moy hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu warda munewon an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح منون حديث بمنكو جلي سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه من سئل لاجيس نانيو لاج نانيو رسول الله ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam anil khamri ci mbiru sangara wo xamne tut takhadhu khallan dagn koy jappe dal dikoy soppi def ko vinegar muy vinegar qala mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam tontune la ne dedet moy kon ken duko def mun akhrajahu solo won hadith bob imam muslim muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi mun wa tirmidhi ak imam ابو عيسى الترمذي رحمه الله عليه وقال بمكو صلو من حديث لي ده حديث لو خن حسن بو باخلا صحيح بو ويرلا غيسون نانيو نه امون نان تي مساله يويو واخون نان مساله فقه يويو 9 مساله لون لين تي غيسون doton nañ ci traité 4 doton nañ ci traité 4 ci jota bi wess walillahi alhamdu wal minna kon tay ñu wara continuer ta waxon nañu biñu jéxal ci jota bi wessu masala yoy ñoo doon yam bi ci teggu kon muy juromelu masala bi moy li jëmon ci walu vinegar ndax lu lab la wala deet moy labuk vinegar est ce lol lu lab la wala det lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dagn ci depo kené bép sanga bo xamné dafa soppékul bopam jogé nek sangara dem muju nek li nga xamné moy vinegar ñom japp nañ né lolou nonu dal dinañ depo kené kené lab na lolou sa vinegar bobu labna bamou dess li nga xamne mom lañu askanale imam sahnun mi nga xamne dafa japp ne malgré lolu dafa sobe wu waye bo ci genné waxam do danaka borom xam xam yi dab xor nañ ne sangara so xamne mo soppekul bopam bo xamne amul ben intervention bu nit def moy sangara so xamne comme bu newon ci naaj bi ba muju nek vinegar ñu ne lool ñepp amul ku wuté loolul wax ji ñu askane le imam sahnun al maliki rahmatullah alayh legi buñu faré ci lolu benen laaj bi benen masala bi muy 6ème bi moy est-ce que legui boudé cette fois-ci de nit moko soppi boudé né nit mo soppi sangara si bamou muju nek vinaigre soppi mo xam ci côté d'une manière industrielle wala bok mu fekk sangara si ci kër gi mu jël ko tek ko ci naaj bi moy loxoy nit dal loxoy doomu adama duguna ci num man di demé li tax mu soppé ko en tout cas nit mo ci duggal loxom d'une manière ou d'une autre lolou moy légui laaj bi moy est-ce que bu lolou amé est-ce que sangara soosu mujju nek vinaigre bob day lab wala dit lolou borom xam xami rahmatullah alayhim ah dañ ci wouté d'une manière générale man nañ né ñaari wax yu ñaari avis yu mag mo ci am muy wax bi nga xamné dañ né lolu moy nit dal di koy soppi lolu man na né ta lolu dina ñew ci détail bi légui après ku nekk ci mazahib ki mazhabu ku nekk ni moy d'une manière générale hanafiya yi rahmatullah alayhim ak malikiya yi rahmatullah alayhim ñom d'accord nañ ne lolu man nané légui benen avis bi muy avis wu shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom ñu ne lolu manula né lolu moy kon ñaari wax yoy moy ñaari avis yoy d'une manière générale waye bu ñëwé ci côté malikiya yi no hanafiya yi ak malikiya yi rahmatullah alayhim ñi nga xamne ñoon lañ ne ñom généralement né nañ man nané bo duggé ci détail bi bu dé hanafiya yi ñom dañu japp né rahmatullah alayhim que né lool man na nek ta dara néwu ci moy nit jëlon fekkon sangara dem mo xam ci côté industriel lu ci walu firme yi lay jaar défar yi ko soppi ko vinaigre wala mu jele ko ci kër gi yobbu ko fenen wala mu yobbu ko fo xamne dal day tax affaire bi gawa soppé ku nek bi nek ñom ñu ne lolu dara newu ci kanta maliké rahmatullah alayhi ñom dañu am ñetti ay sen mazhab bi dañu dal di départager wu ci ñetti wax ñenn ñi dañu d'accord ak hanafiya yi ne lolu man na nek ta dara newu ci ñeneen ñi ne ñom ñeneen ñi dal di andak moy deuxième avis biñ waxon sank muy shafi'i yak hanabila yi rahmatullah alayhim ñu ne lool man da nek am ci ñom ci bir maliki rahmatullah alayhim ñu ne loolu manu la nek moy bu ne manu la nek moy bu ko kon nit defé moy du bax lool lay tek lool moy conséquence waxu manu la nek légui moy bu ko nit xasse def deul sangara yobbu ko mo xam moko ba soppi ko moy ne lolou nonou du dagana consommer ta tamit labul kon benen parti kon deuxième parti ci maliki rahmatullah alayhi ne ñom lool ñom ñu andak wax bobu bi nga xamne moy benen parti benen avis bi te moy bi ci muju te danaka ngiru maliki rahmatullah alayhi bu ñuy wax d'une façon générale mom lañ nane moy ngir bi moy li gina siiw ci ngir bi moy ne dañu ko sip moy ne def lolou dañu ko sip voilà légi buñu gissé lolou mu dess ngiru ñi ci dess muy shafi'i rahmatullah alayhi ñom am nañ ben différence ak hanabila yi ndax ñom dañu né ñom d'accord nañ né képp ko xamné dafa nit ku ko xam dafa intervenir ci processus soppi sangara ci muju nek vinaigre ñom d'accord nañ kene lolou du bax bamou dess budene sangara ci dafa newon ci kër gi nit ki yëkëti ko yobbu ko ci naaj bi mu soppé ko bu boba nenañ lolou d'accord nañ ci ñom shafi'i yi rahmatullah alayhi kanta hanabila yi rahmatullah alayhi ñu ne lolou d'accorduñ ci ndax lolou mok lele yam kessé moy de toute façon budene kay nit ki jëlé ko fi toxal ko jëlé ko ci kër gi yobbu ko ci naaj bi mais lolou intervention amna ci mok mu jëlon ko yobbu ko ci usine bi dal di koy soppi def ko li ben la ñom defuñ différence bob légui nak kon loolu moy avis li ginnona li nga xamne mom la notalon ci sharab bi mo don avis bu ñëkk bi moy bu hanafiyye ak malikiyye rahmatullah alayhi kene loolu inshallah moy li nga xamne moy li gina deugal légui nak ñom fiñu tégon seeni wax ñom premièrement sen dalil bu ñëk dañ né d'accord nañu du né dañu gisul hadith bu mel ni hadith bi mi ñu nekk ni nga xamné dañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ci sangara so xamné ñu japp soppi sangara def ko vinaigre mu né dédé ñu né ñun d'accord nañ né gis nañ hadith bob wayé comme walillahi alhamdu wal minna defon nañ takhrij bi xamnañ hadith bi fan la joge ak ci yan circonstance sababu wurudil hadith ana ci yan circonstance la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahi hadith bi xamnañ ñu ne legi ñun dañuy déparer ci lool moy ne gison nañ ne sayyidina abu talha radiyallahu anhu mom mo ñew laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama am ay jirim yo xamne man ma yor seeni mbir sama tutel lañ ne ñom nak sen wajur da leena bayiloon alal jo xamne ci sangara ba comme que ñu ñu doora haramal sangara ndax sangara avant ci début l'islam ba ci même ba medina am première année nekk lon lo xamne dafa haramon mo taxon ñom ñu amon ko motax ñen ñi biñ doon dem uhud sax doon nañ am naño xamne yo balé won nañu ko mais bi nga xamne ci lañ ko haramalé ci la nak sayyidina abu talha radiyallahu anhu ne kon ko mom mu ngeek sangara so xamanteni ni ay jirimako mom ay orphelin suñu borom kat wacce na alquran dukoy haramal légui mu dem gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal dikoy laaj bi yonnati bi alayhi salatu wasallam nako dedet ñun dañuy gis nga circonstance bo ki ci bob moy contexte bobu lañ soxla moy li tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne dedet moy dako def ngir saddu zari'a lawar moy ne comme que dañ ko doora téré imaginer ñu commencé haram na légui ku ñew rek ñu may la grawul man nga ko def kon nit ñi duñu mëna appliquer li nga xamné moy haramal gogou moy loi bob du mëna appliquer wu ndax boudé bu nit ñi ñu défal ko ben dérogation té ñu ngi doora haramal mbir mi moy kon ñu bayyi ko day jafé après légui nak c'était pour marquer lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam début bi mu doon wax non ñu né ñun lool moy premier suñu hadith ta le suñu premier argument ta lol likoy deugural ñune moy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax ci hadith sayna jabir bo xamne imam al-bayhaqi moko solo muné yonent bi sallallahu alayhi wasallam dané khayru khallikum khallu khamrikum muné li gën ci li nga xamne moy ci sen vinaigre yi ngeen di utiliser moy vinaigre yi nga xamantene day joggé ci sen sangara yi ñune li ni ndax budul ne dañ ko téré doonu ko won wax ba paré ñu né li day gina léral li taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon wax nan ni'mal adim wal adimul khal mu doon wax nan eskey doon tag li nga xamné moy sauce bu bien vinaigre nan eskey bilep sauce muy vinaigre wala bilep ñeex muy vinaigre wala ñu ne lolu day dina leral li nga xamantene moy wax joju ñu ne leneen li nga xamne mom lañuy tontu ci côté le fait que li moy ay dalil la yo xamne da ngay indi ay hadith lay indi legi mu dess dalilu moy dalil bo xamne ci an naqlu lay joge moy lo xamne dang koy jël soit ci alquran wala hadith muy texte bo xamne mom ngay indi comme argument lolu moy jitu nak lol nit boy daganal bo ñewé fekk dara né li dafa haram bo indi argument moy alcorane wax ci lol ngay ñëkke sunna wax ci lol ngay ñëkke mais mano teup processus yoy ba paré né légui dañuy commencé xol ci walu xel kessé non non da ngay commencer indi dalil yele nga renforcer ko ak li ta lol sax moy ngir gina fet dalil kessela mais le rek dina doy ñune legui dañuy ñew ci côté comme que principe bi de base bi d'accord nañu ñun ñep que ne sangara so xamne mo soppekul bopam nek vinegar ñun moy ñun ñi nga xamne ñun la masala mi concerné d'accord nañu que ne bobu labna man nañ ko jëfëndiko ñune wa légui boudé nitako def moy moko soppi est-ce que ñu tek sangara bo xamné mom dafa naturellement la soppé kul nek vinaigre ak bo xamné nitako def ñu tek résultat yi ñom ñaar est-ce que dina am différence entre ñaar yi moy bu bi lab jeexna moy labna légui nak labna moy processus bi bu xasse am ba ki liñuy am moy vinaigre bok mo nit defone ko ak mu ñak ko def resultat bi ben lay do ñu ne lolu day gina degeural li nga xamne moy boko bolé ak hadith yi nga xamne mom lañu am ke ne lolu moy li gina degeur ke ne kon ah vinaigre moy nit bu ko soppé def ko sangara def ko vinaigre lolu day muju lab inshallah wallahu ta'ala alam kon bi ci teggu benen té tamit amna benen muy dafa am ay sahaba yo xamné lolu ci argument la bok rawati na nga am sahaba yo xamné kenn mo xam khulafa urashidun ñom ñet wala kenn ci ñom wala rek ap ay sahaba doon ko def lolu day appuyer dalil ñu né suñu jël nañ ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak imam abdullah ibn abbas ak ay tabi'in yu mel ñom ata ak ñom imam ibn sirin ñom sayyidina umar ibn abd al-aziz ñom ñep nga xamne jël nañ ci ñom kené ñom japp nañ ne li ni man na nek moy jël sangara soppi ko vinaigre lool day gina degeural li nga xamne moy li inshallah kon loolu mo doon dalil yoy legi mu def 7e mas'ala bi muy legi mas'alatul al-istihala al-istihala moy lo xamantene day joge ci comme exemple ndax sangara si ci la ndax motax sax mas'ala bi mas'alatul istihala man ci genn moy lo xamne produit bo xamne mo xam muy produit bo xamne labul comme ñu ne sangara legi mu dal di transformer complètement ba caractéristique yépp dal di soppeku joge ci ñaka lab dem ci glab yu mel non lool moy istihala comme ñu amone lo xamné am med xar mu med wala gelem gu med mu muju ñu sa ñu yop sanni ko fo xamanteni ni mo xam fu bari xorom wala yo xam fo xamné dañ ko fa sanni mu muju transformer wu li nga xamné moy li yaq won ci mom yeb muju labat lool lool moy exemple istihala wala nga jël lepp lo xamanteni ni moy de moy ala mom ala base dafa nek lo xamne dafa sobewu mu muju soppeku complètement nekat lu lap lolou moy mas'ala istihala legui lolou borom xam xami rahmatullah alayhim ndax laaj bi moy est-ce que legui moy lepp lu nek ndax gis nañ ne sangara fi amul ko ci wouté moy boudé né mo soppékul bopam mais est-ce que légui kon laaj bi moy mas'alatul istihala moy liñ wax sank exemple liñ joxé lol est-ce que ci lepp lay daw moy est-ce que lepp lo xamantene lepp lo xamné mo lu sobéwu la lu mujjut transformé wu complètement ba nek lu lab rek dañ nan baxna borom xam xami rahmatullah alayhim ñu daldi wouté ci côté bobu côté muy groupe hanafiya rahmatullah alayhim ak malikiya d'une façon générale ñom ñu né lepp lo xamantene ni bép sobé bo xamné dafa transformé wu muju nek lu lap lolu baxna amuñ ci ben restriction même bu ron mbam xoux la mo xamné dafa muju transformé wu nek lu lap lolu baxna lolu moy abi bu ñeuk bi bi ci tebu muy shafi'i rahmatullah alayhi ñom ñu ne ñun lolu ñenti affaire kesse lañuy d'accord lolu non ñenti mbir dal ñenti ka lañuy d'accord bu moy bu transformer wo ñu mëna japp ne lolu way c'est muju nek lu lap ko ne lolu bax ñun ñenti affaire kesse la du ko wess ñu ne bi ci ñeuk moy bi ñu nek li ñu nek ni moy sangara so xamne dafa transformer wu bopam naturellement mais ñom gis nañ ne bu ko nit jele ci kër gi yobu ko feeyit lolu ci la voilà ñu ne ben ngo ñu ne benen biñu d'accord que ne xam nañ ne de sobé le de base mu transformer wu moy misk nga xamne day joge ci deretu kewel ndax deret moy deret dina jele ci deretu kewel ci animal bi moy deret dafa nek li nga xamne lu sobe wu la mais bu transformer wo nek misk ñu ne ñun budé bobu d'accord nañu té lolu ñom d'accord nañ ci lool ñu ne benen bi moy lo xamantene ni lu xamne dafa dundé ci dafa juddo ci lu dé moy comme ben moy comme verre yi sax yi nga xamne da ngay gis ben luñu sa ben medd buñu sanni nga gis ay sax dal ci génné moy né lolu nonu ci lu dé la joggé moy originam fi mu joggé moy sobé la mais ñu né ñom lolu non d'accord nañ ci lolu ñentel bi ñu né moy té lolu gisoon nañ ko ci walu der moy buñu wulé deru lo xamné dañuy lek yapam ñu né ñent yi ñun d'accord nañu ci que né buré yi ñoo transformer wu ben ci yi ñun d'accord nañ né bu lolu day muju la sino bo génné yi ñun yaatal bi ñi ci kaw def moy suñu mag ñi def hanafiyey ak malikiyey rahmatullah ñun d'accord ñu ci ah hanabilay rahmatullah ñom d'accord nañ ci li d'accord nañ ci li bam dess ñaari affaire bo setlo sank joge nañ ci sangaras moy ñom nit djel ko tokhal ko ñom dañu bob d'accorduñ ci lool moy d'accord nañ dal sangaras so xamne mo transformer bopam naturellement ñu ne ñun d'accord nañ ci lool mais boudé nito ko tokhal lool duñ ci d'accord ñu ne benen bo xamne duñ ci d'accord ak Shafi'i rahmatullahi moy ci li jëm ci walu der ndax ñom gisoon nañ ci masalaay der yi que ñom dañu japp ne lool du la ñom hanabilay ke du la te lool gisoon nañ seen dalil fiñ ko teggoon que ne non man nga répéter dégg mu le lam non saw ki biche non ki gazelle non voilà. Et le troisième et quatrième, je ne sais pas. Le normal, quoi. Ah, Yuki, Yusa, wa. Dañu né, bi ñëk. Moy sanga. Juste le 3 et le 4. Wa légui xaarama wax yépp. Bam sa bo ci bindul rek nga xamné bi la. Légui moy bi ci ñëk sangara so xamné dafa soppékul bopam naturellement dal di nekk binéga. Wala nit djel ko tokhal ko djel ko ci kër gi yobbu ko ci naaj bi mu soppé ko nek bi ñega lool moy bu ñëk bi ci téggu moy li nga xamantene ni dérétu kewel moy gazelle nga xamné bu transformé wo mais pas dérétu kewel rek ñu né kon nañ djel non moy mu transformé wu nek misk nek li nga xamné moy gëttu gu ñuy xéñto lool la voilà légi bi ci téggu ñu né moy lépp lo xamné dafa juddo ci lu dé dafa génné ci lu dé comme sax yi voilà ak larve yi ak yoyu nga xamné dañuy joggé ci lo xamné dafa dé mais ñu joggé ci loolu du dundu ñu né bi nga xamné moy bi muju moy der bo xamant deru bayima bo xamné dañuy lek yapam lér wala ñu wulli ko wala bo xamne mu med ñu jël der bi wulli ko ñu ne lolu bax mu nekké moy pa ñu rendi ko ndax buñ ko rendé lolu lolu taxul ñuy wax mais moy bay comme xar mo xamné dafa min nit ki jël der bi dal dikoy wulli ñu né ñun d'accord nañ ndax xar dafa bok ci bay mi nga xamné dañ koy lek dañuy lek yapam kon baxna légui nak légui inshallah li nga xamne moy li gino deuguer ci masala bi moy avis bu ñeuk bi moy bu hanafiya yi ak maliki yi rahmatullah alayhi ndax li nga xamne moy xewal gi ñu suñu borom defal bi nga xamne ci lay ñu yoni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune yonent bobu alayhi salatu wassalam bokku na ci li nga xamne motax suñu borom yoniko bokku na ci moy dafa ñew ngir diñu li yuhill lahum at-tayyibat di len dagana li nga xamne dañu tey dañu lap wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith mu ñuy téré yi nga xamantene ni moy yu salté lañ yu sobé wu lañ ta ki bi lepp lo xamantene ñu né ñun légui moy mais aya bi ni kessé lool ñun ñepp d'accord nañ ñu né mais lepp lo xamné nak dafa toxo jogé ci lu salté lu bon lu lo xamné dafa labul lu sobé wu muju la lool ci tayibat yoy lay bok c'est sûr que ci lay bok manu né parce que originum li le won rek kon dagan ugu moy dafa sobé won que né kon bu transformé won sax ñu né loolu daldi wul la lool manu ñu ko wax lool ben la ñu né amna benen bo xamné day dëgeural li ñu wax moy li fi nga xamné so mini nan fi mi joge ndax suñu borom dané wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuni min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lish-sharibin ñune ñun buñ jëlé exemple ci ñu suñu borom jox defal muy xéewal yu ñuy utiliser so mi ñi nan fan lay joge suñu borom néna mom moñu defalal tagatal mu li nga xamantene moy jurji biñu nandal ci li nga xamne moy joge ci biiram moy saw mi la ci djublu mu ne lolu saw momu min bayni damin mom fi mi joge moy ci digeunte lo xamne deret farfin wa damin day joge ci walu ci lo xamne sibirit moy yi nek ci mbakk geek yoyu wadamin ak deret digeunte yoyu ci lay tire li nga xamne moy so mom kon moy fan lay joge ci digeunte lolou lay jeelele kon moy ne ñunit lepp lo xamne dafa joge ci lo xamne labul won ndax deret xam nañ atem yoyu tamit yi nek ci mbakk geek yoyu sibirit yi xam nañ atem legi budene suñu borom malgré lolou ci lolou lay tire li nga xamantene moy mew mo xamne neena dañu koy nandal saixan mu nek lu neex lo xamantene ni bu ko suñu faye ni nané contane lol mu ne lolou kon muy xewal go xamne mom lañu defal kon lolou nim ñu démé nonu mais fu mu joggé fenen ci nature bi ci liñu ci yi nga xamne dafa labul dañu sobé wu muju nek lu lab day muju am até lolou moy day muju lab kon lolou moy yoy nak masala yu bari la yo xamne moy impossible nit tok di lim bu ne legui nak gisone nañu ci masala adabul ilmi gisone ci hadithu ndek ya babul miyahi ken nit talibe bi tamit day yew moy buñ joxe ab règle bu mu xaar ñu exemple yi nga xamne moy tourner autour yeb bu nek ñu andil ko ko lol man da nek lol bu lol lolum mom ken du avancer ci mjang légi nak buñ la joxé règle yow yaay xamné voilà règle baagi mais à condition de comprendre règle bi xam ci yane circonstances lay doxé ak lan moy exception ndax après moñu yobbu ci benen masala bi nga xamné moy nek transition ci bi ndax buñ né rek lépp lo xamné dafa sobé wu dal di transformer wu nek lu lap kon baxna comme exemple yiñ joxé won né sangara so xamné dafa muju soppé ku nek vinaigre nit man na né bu kom moy budé comprendre règle man nga né wa kon baxna kon man buma gissé nit ki ben cuisinier di toggu jël sangara def ci grawul ndax après chaleur bi ki bi buy tak buy ki bi fobi après day lak affaire bi après mu évaporer wu c'est bon wala mané bon man sama diw bi may diwo gisna waji kan bim ci ki da cey jël sangara so xamné sobew la mais mu def ko ci mais comme que nakhon nañ day transformer wu kon transformer wu non lol moy manuñu wax lolou ndax liñuy wax ni istihala moy affaire bi dafa transformer wu caractéristique mi complètement alors que li nga xamné dama ko jël dougal ko ci bir lek gi moy lek gi amul doley di lol amul doley défendre bopam moy il faut lol am ci impact ndax bo jëlé lo xamné sobé la nga def ko ci lo xamné luñuy nan la mo xam boisson la mo xam lenen la yiñi nan à part ndox moy bu ci dugg diko altérer comme buma amone sama ay berigo sama berigo ki wala panu soow def ci tokku deret moy yakna ko xam nga lol moy man sobé la jël bo xamné soppé ko wul ma def ko ci biiru lo xamné dafa la moy da koy transformer bam def ndox mo am capacité wu di daldi défendre bopam té tamit lolou man na ci mucc ndax innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay ndox dafa lab tay labalaté dara du ko sobel comme que dara du ko sobel nak man ci lay comprendre yonentou sallallahu alayhi wasallam dané ndox mo man lol légui mafhumul mukhalafa bi lan lamay wax moy kené loolu ndox manuko kon nak buma jëlé sobé def ko ci ben sama produit moy da koy altérer da koy yak mom bokul ak li ñu doon wax sank bi mas'alatul istihala na istihala moy affaire bi ci bopam mo transformer wu dafa doon ak lim doppon lool motax lenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom sangara bu joge nek vinaigre doonu ko won tudde nan ki la kone vinaigre doon kone lo xam dafa transformer wu joge ci sangara ñew ci doonu ko won tudde non ñew ci vinaigre parce que dañu japp ne nekatu ko donatu ko au moment où que li taxone ñu nan sangara ci sangara deñ ta nak ñu ne am nañ benen règle bo am dama ko fatu al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman ñu ne ñun li degeural lool moy atté bi day wër lo di top cause bi taxone atté bi taxaw fa bu fi cause bi newé atté bi da fi né bu fi cause bi néwon atté bi dootu fi né lol la moy mano li taxone ñu doon wax ne sangara dafa li taxone ñu ko doon haramal que ne utiliser ko baxul moy lan moy li mandilaté bu ci newé légui bu ci joggé moy amatu fa moy ne atté bi dafa dul nekati té lolou tamit règle la bo xamné day dox ci lu bari voilà kon moy kon transition moy kon masala bi ci teggu da naka wax nañu moy 8ème bi moy lan moy atté jël lo xamné sobé la ma jël ko def ko ci lo xamné lu lab la mo xam ap produit bu may diwo la wala bu may xéñto wala lu may lek moy né lolu du jamaahirul ulama ëpp ci borom major grande majorité de borom savant yi borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ né man da né waxon gisoon nañ né mbolo mu tuti mo genn ci lol te bokku na ci imam al bukhari rahmatullah alayhi waye li wa jumhur wax moy li nga xamne moy li gëna deugar ndax comme niñ ko gisse legi moy affaire bi dafa leer nañ moy le fait que liñ la wax sank ci ndokh mi innal ma tahurun la yunjisu shay ak mafhumam ta le fait que nga jël sobé nga xamne comme que sobé woko ci dougalé moy pour ngane affaire bi amatu ci ben effet lolu il faut ñi nga xamné ñoy les spécialistes yu wour wax né affaire bi réellement amatu ci effet ndax tamit du lepp rek dañ nan faqih bi mokoy traité boudé mom du spécialiste ci domaine bobu yenn yi dañ nan ñiko xam nañ leen dem ci spécialiste ci chimiste par exemple ñu laaj leen ñom nañ ñu défal bu ko jaré ma am xaaliss mo meuna fayé ma jël def ko def lu mel non ñu jël ci ben échantillon jox ko yobbu ko ci laboratoire ne ko légui ñun dañoo bëgg nga traiter xolal ñu résultat biñ bëgg moy est-ce que sangara ci ji bir ginnaw biñ ko défé ni togg ko ni est-ce que dess na ci mbir bu ne bu résultat yi génné di li ñu xamné li la bu ci déssé nak ñu xamné du lool alors que bu dé côté bi ni yi ci ëpp comme gélatine ni def de d'animal yi nga xamné dañ ko duñ ko rendé ci yoonu charian yu bari moy lool da lay lér na da ci dess moy budé mom lañu jël def ko ci bokku la que né affaire bi dafa transformé won ba paré ñu door do ko ci def voilà lool moy sew sew bi nga xamné différence bi am ci digënté ñaar yoy istihala ak li nga xamné dama jël lu sobé wu dal dikoy def ci sama produit kon légui 9e bi kon ta moy bi mujju inshallah moy est-ce que légui man nañu fajo lo xamné sobé la exemple est-ce que man na jël sangara ma fébar am médecin mané mais yow sa fébar bo nané ben ki sangara dina ko faj waaw ben verre rek avec modération dina ko faj légui moy est-ce que lolu nonou lol man na né wala diet lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'une façon générale dañ ko téré dañu né lolu manou la né mais quand même bo xolaté sen bir dañu dafa am ay wouté sen bir ñu xajalé wu ci ñaari parti xaj bu ñëk bi moy hanafiyé ak shafi'iyé rahmatullah alayhim ñom ñu né lolu man na nek mais à condition que moy man na nek moy lan moy sobé moy nga fajo lo xamné sobé la mais à condition que né mom rek ka fi né voilà amul alternative té tamit spécialiste ñu doon wax sank muy les médecins yo xamné tamit do yu bon yo xamné sen ki Hippocrate bi ñuy wax ñu koy respecte ndax amna ño xamné ñom ils ne sont pas qui quoi objectif ñu tam nga nek julit ñu lay téré yo xamné comme ko xamné médecin bo xamné bu koor gi joté nga gis mu lay téré word ta at mi yeb danako doon lu ko on téré ko da ngay commencer di am doute te du julit da ngay am doute ci ay affaire am voilà moy te moy spécialiste les médecins tamit en tout cas ci kayu bari yi ñu am ñu manté né li day effectivement vert avec modération day fac li ñu né ñun ci cadre bobu lañuy d'accord lu mel non ah légui lool moy kon avis bu ñëk bi benen bi hanafiyé maliki rahmatullah alayhi ak hanabila rahmatullah alayhi ñu né loolu man da nek sobé mom manu la faje moy né manu nit julit manu la fajo lo xamné sobé la inshallah nak seen wax yi moy li gina deugal légui fan lañ tek seen wax ji ñom ñu né ñun suñuy dalil premièrement moy hadith bi nga xamné mom la imam ahmad solo rahmatullah alayhi ak imam muslim ñu nako non imam abu daud ak imam at-tirmidhi rahmatullah alayhim solo nañu ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben ko xamné médecin la am médecin bu ñew laaj ko bu tudon tariq ibn suwayd radiyallahu anhu ñew ne ko man damay utiliser ci walu sangara fi damoy damakoy so damakoy jël diko di ci fadiaté neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mune damakoy jël diko défar diko def ko genre médicament bu don yo xam mom lañuy fadié yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko innahu laysa bida walakin laysa bidawa walakinahu da ne ko dedet sangara so jël diko def mu nek say medicament nga ci fadiaté yone mu wax ne lolou la koy doy yone ta sallam ne ko dedet innahu li nga nara def non moy sok sangara ci at lu sobew lolou nonu nga nara lolou laysa bi dawa lolou du medicament du fadiaté innamal walakinahu li am ba dess moy daun mom jangoro sax lolay yo moy baaxul moy ñu ne li ni mom yeen li ngeen wax yeen hanafiyé yek shafi'i rahmatullah mais lool bu marona nek yone salallahu alayhi wasallam dina ko wax waji doon kon wax kon ndax ki moy ne laaj bi dafa nek ci o sujet biñuy traité mom la yonent bi sallalahu alayhi wasallam tom moy man damay liguey man médecin la bo xamné damay jël sangara si diko def ay comprimé wala di ci fadiaté est ce que man nako def munako dedet affaire bi mom du fayé mais jangoro lay joxe kon kay lol moy man dané légui ñu né suñu benen dalil buy wone né suñu waxa gina deugal ñu né moy li imam al hakim dal di solo nga xamné hadith bi bim ko solo dafa mom imam al hakim mawquf la wa mawquf moy hadith bo xamantene ni dafa yem ci sahaba bi pour gaw jarul bi moy hadith bo xamne ci sahaba bi la yem moy sahaba bi ab sahaba mo netal mo ñew wax ji mais waxul na yonent bi sallalahu alayhi wasallam neena wala mu askane lako imam al hakim dako solo moy hadith bo xamne ci imam ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ci mom la yem waye imam abd al-razzaq as-sanani ak imam at-tabarani ñom solo nañ ko cette fois-ci bo xamne mom dako yëkëti ba ci yonent bi sallalahu alayhi wasallam mune yonent bi sallalahu alayhi wasallam neena inna allaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama alaykum yonent bi sallalahu alayhi wasallam ne sahaba ay radiyallahu anhu wax xet bi yeb ne bur yalla deful li len di fajj ci li nga xamne dalen ko haramal ñu ne sangara dañ ko haramal ci ñun wala dit ñu ne waaw ñun hanafiya yek shafiya d'accord nañ ci lool si innamal khamru wal maisiru ak yoy kay ñun non ñepp d'accord nañ ñu ne waaw kay legi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne bur yalla deful li len di fajj ci lo xamne da ko haramal ci yeen kon kay bañu d'accordé ne sangara ñun ñepp dalili leer na keene dañ ko haramal ci ñun kon kay manu ñu fa jëlé am pacc kay wala dit ñu ne benen suñu benen dalil bo xamantene ni imam abu daud rahmatullah alayhi moko solo jele ko ci sayna abu darda radiyallahu anhu mok bi woniro muné inna allah muné yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ne inna allah anzala dana anzala allah ad-da'a wad-dawa waja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wala tatadawaw bi haram mune yonent bi sallalahu alayhi wasallam dane bur yalla moy mo wacce moy mo fi indi ci kaw soufsi wop ak wir moy li nga xamne adda ak wop li tax nga febar ak nek en mauvaise santé li koy indi lolou mune bur yalla mo wacce lolou mais mo wacce li nga xamne tamit day fadiate ak wir ak tan li koy maye lolou bur yalla ko wacce mune kon fata daw delen legi delen faju moye nak mune wala fata daw bi haram waye nak bulen di fajo lo xamne dafa haram mune sangara dafa haram d'accord ngene ñune waaw kon ñune kon bi kon du ci suñu dalil la buy wone kon fajo lu haram wala lu sobeu man da nek Imam al-Bukhari ñu ne bokku na ci suñu dalil bo xamne Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi moko solo mune yonent bi alayhi salatu wassalam inna Allah lam yaj'al shifaa ummati fi ma harrama 'alayha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bur yalla deful shifaa ummati li nga xamne moy fajj sama xet defuko ci lo xamne dalen ko haramal bur yalla deful lool kon ñu ne kon sangara ak yi nga xamne yu sobe yu loolu dulit manou faaji la am pat legui ñune li ñuy moy suñuy dalil ta ndax ñune bokku na ci lo xamne day renforcer suñuy yi ni suñu dalil yi nga xamne ma sha Allah leer na ndax moy comme niñ wax sank rek dalil bo xamne day ñew di répondre question bi ñu poser lolu dara giñu ko leer ñu ne ñun suñu bo gisé suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu di haramal ci suñu xet bi moy haramal ci ñun ci xet bi ak lim doon li tax moy cause yi tax moy haramal yenn yi ci suñu xet bi ak ñeneen yi ak xet yi ñu jitt won yamul ndax suñu borom ñun ndax bobu ñom li tax ñuy indi dalil bi dañ doon tontu hanafiya yak shafi'i rahmatullah alayhim pour wax len ne yeen ndax ñom ñom xam nga hanafiya yi ak shafi'i dañ na ñom bokku na ci liñ doon wax ke ne yeen yeena comprendre ngeen li tax ñuy wax mais sangara ñun xana gisu ngeen clause yi ñu dekk clause de yi nga xamne moy tax ñu mëna exécuter ki bi loi bi ay clause lañ tek yoyu non yu am solo la lolu nak buñ ko remplir moy affaire bi day muju bax ñu le non ndax yeen en fait sen logique bi ñen démé c'est comme si cause bi tax ñu suñu borom haramal ko day xawa niro cause bi taxoon muy haramal ci mbir yi ci xet yi ñu wuté won yi ñu jitt won ci kaw lan xam nga suñu ñi jitt won suñu borom dané ñi nga xamné alladheena hadu mune ñoon harramna alayhim ba'd tayyibatin uhillat lahum mune ñom ñi nga xamné ay juif lañ won moy juif yi ñoonu dañ leena haramal ay yenn ci yo xamné yu lab la won yo xamne suñu borom mo len ko daganalon legi mu ne lan motax lolou moy bi zulmihim ci senu togn wa bi saddihim an sabilillah kathira ak danaka feran ko lay ci yoonu yalla wi dum moyu ko non seulement man duma ko doxal mais ku koy nara doxal ma tere ko suñu borom nak da len doon haramal yo xamne pourtant yu dagan la won mais lan motax neena bi zulmihi li taxone makoy haramal ci ñom yenn yi moy ne senu ton xam nga biñu leena téré walu nappu jeun bi jeun bi lolu jouru samedi moy lu dagan la won mais senu degeur bop ak senu ton lolu tax suñu borom muju tegg len punition bop alors que ñun suñu xet bi lolu amul moy ne lepp lo xamne suñu borom dako haramal moy mom ci bopam effectivement moy affaire bi lolou non dafa nek lo xamne dafa am li négatif dafa upp li nga xamne moy njariñ alors que comme que lolou la nak ñu ne ñu ngi revenir comme que lolou la kon moy yi nga xamne dañu ko haramal buñ xamé lolou kon yi ñu haramal yi bokku ci sangarak yi melni mom kon moy dañuy xamne lu négatif li mo upp fouf comme nim ko waxe ci yenen ay ci benen ay bi comme ko lool la mo upp kon lool moy tax ni affaire bobu lool manuñu ko utiliser ndax li tax mu haramal ko ci xet bi bokkol ak li taxone mu haramal ko ci xet bele ñu ne li dañ bok dang koy bolé ak suñu dalil yi mais xam nga ne dalil moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu na lu leer ke ne deful bur yalla deful lo xamne day fajum li faj aw xetam ci li nga xamne da len ko haramal kon lolu mo don li jemon ci masala hadith bu ñeuk bob sahunullah khair point bobu amna benen ki bu ci yokku moy walu med parce que med dafa haram waye lek lu haram rek manam muy medd muy lepp lo xamantene da xaram nan sangara lek yapp mbam ak yi nga xamantene yalla dako haram yoyu bu ajo ci walu luñuy lek wala luñuy nan buñ deme ba lor nara am manam moy ne suma ko deful damay de bu boba dan nañ ma daganalal ma lek ci lo xamantene damay téré de fa luma lek ba suu tay duma baamu wat duma def suñ ne ñoxor ndjay rek ma jël lek ngir ne dama ko soxla manam boba damay dem ba ci cadre force majeure bu ko defé ma doko meuna lek loolu ñu daganalal ci mid manam ci lu haram plutôt ci lepp lu haram rek luñu lek loolu ka bobu du retrouver wu ci fagn lol du retrouver wu ci fagn parce que fofu le subtilité bi nek ngir ne nit ki su lekul ak deewam dafa wor alors que su fajuul ak deewam wor ñaaral bi ci def mom moy ne nit ki manam bu lekut te am lu mu lek bu deewé lolu xaru lu tuddu motax xétu grève de la faim bu yeggé ci nit ki dé day xaru lolu xaru lu tuddu alors que su fekkenté ni nit ki dafa am lo xamantene fièvre la ci mom té fajuul parce que tout simplement dafa japp né manam par exemple day ñaan par exemple yalla faj ko parce que lolu tam xétu faju la mo ñaan yalla faj la moy ak yeneen yu mel non yépp lolu nonu bu boba lolu bu ci génné aduna bu boba du xaru d'autant plus que su fekkentene nit ki dafa xif mo koy wajaray bu lekut ak deewam dafa nek lo xamantene c'est assuré alors que su lekke ce qui est sûr que moy degi day fomu manam jëmmi lekki rek mom moy nek degi fomu na alors que su fekkentene faju la faju gi fomul dara manam assuré wul ni manam ma faju assuré wuma ak wir ak wir ña lolu point la bo xamantene bu mata baye xel la parce que lolu mom yakana kenn ku ci nek mësna ci gis cadre figure da xamantene nan nangam akoy fajj ñu yobbu ko hôpital ñu ne nangam akoy fajj diagnostiquer nañ problème bi lepp ba fajj ko même waji be alors que lek gi mom li leer mo ne fu lek gi téwé rek waji wirna voilà exactement exactement voilà fadu gi lol la moy limu wax pour ñu ko déggul moy da nga ci gis exemple yu bari ñu nan way bi kat yobu nañ ko fune defal nañ ko ay radio fune defal nañ ko nangam fune way da wiru alors que bu dé lek gi mom lol mom c'est du tic au tac muy lek gi tew muy sax li saxawi wana su rek commencer digérer dal di djok su boba medd bi dakoy dagan boba medd bi dakoy dagan ndax lolu ndax ni affaire bi dafa nek lo xamanteni dafa leer dafa wour certitude bobu fa nek contrairement ak fadju bi lolu mom motax muy dagan muy lek lu haram ci période bi nga xamanteni dafa wara lek alors que ci période bi nga xamantene dafa wara faju lu haram du ko dagal lolu ñaari lolu mom moy moy taxata bu wallahu ta'ala ma inshallah xamna pour motal lolu moy day yobbu ci ben laaj moy est ce que faju febar faju farata la wala dit voilà lolu tamit benen point la moy ne febar jëmmi febar faju manam ci faju traditionnel yi lolou farata lolou tax sank ñu waxon ne mën na ñew ñaan wala yu mel nonu nga xamantene te lolou nonu ku mel ni yenté Allah ayyuba masalan alayhi salam gis nañ febar yi ko dalal te dafa te borom subhanahu wa ta'ala lim ñu toxalal rek moy ne dafa ñu ñaanal moy dafa ñaan té biko borom subhanahu wa ta'ala de fajj daf ni ko rek urkub bi rijlita hadha muhtasarun han bari dum wa sharab djelal sa tank nga keddu ko ci souf ci genné ndox muneko ndox momu djel ko luñuy sango la lu sedd ak luñuy nan mu sango ko nan ko wir d'ailleurs lolu bokku na ci li borom xam xam di wax ne manam sanga manam luñuy sango ak luñuy nan ci safara lolu ciosan la ci daganam lolu ciosan la ci daganam ay bob té lolu ku ne xamna ni fa façon fièvre bu fièvreone ak yiko dalon yeb yiñ netal yeb ne moko dalon lolu ku ne xamna ni bu don suñu manam bo gisé ci ni ci hôpital yi gëna mag lañ ko yobbu yonentou won tan wa yentiyal ayyuba alayhi assalam wa donc yoy yep manam manam lool moy moy ne manam jëmmi faju gi ci bopam du farata mais nak faju gi parce que benen bi ci dess mom moy su doon farata la kon li tax nga wër day nek luñu xam alors que bari na fièvre yo xamantene lay leen di wëral dañuy tok ay ati te duñ ko xam wala sax parfois ay siècle te duñ ko xam tay fim tollu luy tax ba fal gis mo par exemple kenn du ko am wala ak yu mel non nga xamantene mi ngi ray ay pourtant ay millions ngi nit te pourtant à part luñ lu bes manam amuñu won lu koy fajj luñ xamné li lay ko koy fajj vaccin la bo xamné wala bok sa ki le safara bo xamné leer na ni li mom da koy fajj lu dafa neké sida masala fever la bo xamné tane danaka manam lo xamné tane dañ nan da koy fajj complètement à ma connaissance xamuguñ ko ñi ngi koy wura nak ak ñi nan xeyna trouver nañ ko xeyna nangam mais lo xamantene mom deug waji da koy nan rek wala mu lek ko wala ñu mu diwo ko rek sa way ñu ne muy pomat wala ñu mel non rek waji amon na sida amatu ko lolu man xamagumako and ak ne bobu legi mi ngi ray danaka kumu dalal bon xeyna legi gaay seen xel dina dal mais danaka kumu dal dal ku nek jëmmi xalaat gi ngay xalaat sax deewin rek mo lay ray ba pare bu doon nak me farata la kon du nek lo xamantene ak jëmmi mbir mi day riir alors que lek gi mom lek ak nan du farata lek ak nan duñu farata mais dañuy yegg fo xamantene farata lañu doon voilà dañuy yegg fo xamne farata lañu doon parce que soko defu do to dund voilà ce dund rek mo ci aji voilà wallahi ta'ala mu jox ko nek gi geulem waaw mu jox ko mu nan parce que bir bi day met waaw legui ka bobu nonu nga dafa bëggone fajj bir buy met waaw mu jox ko saw geulem legui la bobu nonu nak lañ ko interpréter ci ka bi ni voilà parce que lolu geulem luñu lek yapam la lolu bokku na ci masala bi masala bo xolé ñu dem nek shafi ak ñom neex ko laal dañu wax ne que geulem manam même boudé dañuy lek yapam manam luñuy lek yapam ay mbéwolam manam moy bu touré ndox lola du sobé lolo sobé la ñom non lañ ko jappé ay dem alam ak mbéwolam sobé la alors que non fuqaha umarike masallahu rahmatullah alayhi ak hanabi lay rahmatullah ñom dañ japp né lolu du sobé preuve bi wone né du sobé moy dagan bi mu dagan ñu jullé ci gettu xar ak gettu bay dagan gi mbat dagan ñu julle ci kon ci kaw lolu kon lepp luñu lek yapam dañuy gis ne ay dem alam ak ay tour ndoxam duñu la duñu sobe am mom amal na señ fall dina ci delu ci wat inshallah mais lolu nonu au moment où xamna ni lolu du sobe kon bu boba nan gim ko nan jeufandiko gim ko jeufandiko parce que lool bok na ci ñom chafiyé kahna fi rahmatullah fi ñi tektelo ci wax ne loola manam lu haram manam lo xamne sobe la wala lo xamne ci ciosan dafa harama lek wala nan manam dagan na fajo moy comme hadith bo bok na ci ñi tektelo waye boba li ñu d'accordul la parce que tay lol mom moy raddul mukhtalafu fihi ila mukhtalafin fihi raddul mukhtalafin fihi ila mukhtalafin fihi moy jël lo xamantene dañ ci wouté nga bëgg ko yobbu ci lo xamne dañ ko wouté manam tay mënuma atté wo lo xamantene principe de base bi ñun action bi d'accorduñ ci nga bëgg né far force mom lañuy jëfëndiko comme argument lool man tane ah motax fuqa maliki rahmatullah alayhim ñom liñ japp moy né loolu mu sobe du sobe manam le fait que nak ay manam mbiwali gëlem du sobe loolu moy tax yent bi sallalahu alayhi wasallam mën ko jël fajé ko wala djël ko bolé ko ak soow mi ñu jaxass ko mu nan ko mu wër té loolu tamit manam djimmi le féké yent bi sallalahu alayhi wasallam def ko ak le fait que mune yalla djëlul lu haram def ko muy fajj lo xamantene la li la manam ci xéxam manam muy fajj lo xamram duko djël def ko muy lo xamantene day mëna fajjaté loolu day tekkale ni yent bi sallalahu alayhi wasallam lele mu def moy wané ni kon dafa dagan motax donte amna ci fuqasha ci safi rahmatullah alayhi ñuy wax ne yent bi sallalahu alayhi wasallam ay yoyu hadith yoyu ñu wax yeb sangara do mu lu ci djublu parce que daf ci am ci ñom manam ñom dañuy japp ne ci ne sangara mo ci bokku manam ci ñen ci fuqasha safi rahmatullah alayhi mais lolu régler wul problème bi parce que yent bi sallalahu alayhi wasallam wax ji dafa am dafa matale manam généralité bobu pour nga guéné ko ci généralité bi dougal ko ci particulier né lu particulier exception la lool dafa laaj ay preuve yu leer manam ay dalil la laaj alors que fuk ni ni loolu gisunu dalil bi wallahu ta'ala a'lam mère bi dafa sembe am na lepp lo xamantene alquran lañ ci bind ak lepp lo xamantene kaddu borom bi manam wala turu yalla wala ñaan yalla lañ ci bind wala lepp lo xamantene ak jeexitalu nit ñu bax ni la wala lu demé nekk tay par exemple ku ñu tok ñu par exemple ñu wosi fa le fait que ñu zikat mbalan momu par exemple le fait que ñu ci zikat tour yalla bi nek ci ñu ci barkelu maam dal lepp lo xamne jeexital la ci xet yu mel non bu boba buñ ko defé ci ndox day dal di mëna def office de safa ñu mën ko naan man ko sango bokku na ci dalil yi moy aye bi mala wax ne yent yalla ayyuba alayhi assalam ba mu ñaané borom subhanahu wa ta'ala ne rab anni masani yadurra ne kat lor dal nama borom subhanahu wa ta'ala bim ko la wa anta arhamur rahimin te yow yalla moy yaay ki dakk yeureme ci ñi yeuremate bang koy safara daf ni ur kut bi rijlika hadha muqtasalun sharibun wa baridun wa sharab manam djelul sa loxo sa tank nga keud ko fim ko keud nak mu genné ndox muné ko lolu luñuy sangola lu sedd ak luñuy nan te sik neeku ci lolu barke manam du jëmmi li genné manam parce que bu don ndox mo ndox kessé manam day jëli ci yeneen ndox yi du jar muy keud mais le fait que mom keud ndox mom genn lolu day am barke bo xamantene mo ci nek ngir ni ñoom seen tank yenenti alayhi assalam fañu keud ba mu gënne ndox moma du bok ak benen xéet ndox comme ndoxum zamzam namu gënne wi ci keud yi ko sayyidna ismaeil alayhi assalam don keud manam nga gis ne te lolu mo indi le fait que ndoxum zamzam nek lo xamantene tamit yenenti bi sallalahu alayhi wasallam dafa ne lo nan yini ko ci lolu ngay am lolu moy jëmmi safar buma febaré djel ko ne dama bëgg wër nan nox ma dal di wër lolu moy tekkel ne li safaral kon lolu yi yoyu moy yoy yep ay preuve la ci benen preuve bi moy hadith bu nek ci musnad bu imam ahmad rahimahullah yene sidna ak bo amna ci yenen teer ci ash-shami no duradu ash-shami asa ak ki bind fathul muslim sharh sahih imam muslim de fatkhul mulhim non fatkhul mulhim ah do al fatkhul mulhim pakistanais wa pakistanais al osmani wa koku a indina mbolo ci ay hadith yu tekkele lolu yo xamantene yep man dañu tasaro ci tire hadith yi te ne talibi ni sahaba yi radiyallahu anhum masalan dañ dan def sen xalé yi dañ leen dan bindul masalan ay falaqi ak nasi man wala yu mel nonu pour ñu diko tak parce que ñom mënu ñuko won tan ñu dina ko tak mu nek muslay ci ñom yoy yi manam jëmmé alquran ji mu nek la wala jëmmé barke tour yalla bi mu nek la wala et cetera lolu nak mudul lolu mom ak mu yegiti sama loxo ñaan dal ci euf def mi mais ben la amul différence amul ben différence au moment où li alquran bi ma warona tawi euf ko sama loxo def rayo ko mom la bind rek tak ko manam amul ça veut dire que amul lu wara mana tax ba buma ko tare euf ko sama loxo mu bax alors que sumu ko bindé te jëmmé alquran bi kessé la du lenen du bax ñaan gi may ñaan buma ko ñaané tare ko du def ko euf rayo affaire yi dox alors que buma ko bindé sango ko wala ma nan manam affaire bi du dox au moment où jëmmé cadeau yi ma tare fi moy jëmmé cadeau yi nga xamantene mom la ñaan euf ko ci ndox wala ma bindu ko dugol ko ci ndox xol ko lool mom motax côté bobu ñepp d'accord nañ ci attention da parce que dafa am yenen tibi sallalahu alayhi wasallam di téré moy luñu tuddé tamima ba bané sax képp ku ko tak da nga wéddi yalla ak yu mel lool yoyu moy xéeti galat yi nga xamné ay dam bi jenu nangam reenu nangam xassu nangam yoy lañuy wax yoy mom dafa haram ak amna benen bo xamantene siwna yalla ñu yalla sam moy lam bobu nga xamne dañ nan lam bi day taxa nangam day protéger wala day ki lo dafa haram déjà ci goor dafa haram mu tak lam bo ci bëggé bo rek nga ni jëmmi lam bi day protéger nit ki moy bokkalal té dugg nga waaw waaw ak amna yenen comme do dul bi amna bu xaw wex amna façon yu bari jaru na wa non mais jaro dagal na gor tak ko mais attention lool yep tout dépend c'est que dafa bari ay manam règle bi moy limala wax sank a partir de règle bobu lu ci dugg day bax mais lu ci duggul du bax lu ci duggul du bax hein voilà wa pa jaru nok ko ya karna ni ler wa haa bro mami di ñu voilà mami voilà lolu yoy matna baye xel benen bi ci dess mom moy ne su fekente ne safar ki la par exemple dañ ñuma xobu nangam bo jëme nangami xobu ginger ki xobu sedem wat ko bolé ko nangami xobi nangam après nga dal dikoy jël xot ko nga nan ko buñ ñema day fajj sa siburu bi bu boba day dal di dagam buñ ñema day fajj sot day dal di dagal parce que lolu ak ma jëlone médicament bi ñoyam lolu côté médecine bi la mais masalan buñ ñema day dakk seytane day tax nga am chance day tax bu sa liggey nga mëna am liggey day tax manam xéet yoyu nga xamantene amul ben jotiwul dara ak ak wir bu yaram yoy mom day xaram day dugg ci bokalé bob bobu day xaram voilà donc lolu tamit bo ñaari côté tamit jarna xamé wallahu ta'ala assalamu alaykum yalla ci xadira way dama bañ ki bi rom rek paragraphe bi rom waaw la sama ñi jëgël juri bi nga xamanteni mom dama febar suwat mu doon comme bari na senegal mu doon febar mystique wala waaw yobu ko ci señ bo xamanteni du juri chrétien la manam mu jël ko sang ko defal ko ay ñaan mu wé doon ñu koy até lolu leg mën nay am donte ak amam dañuy lacc ñu am ci manam preuve c'est à dire que né rek amna kumu dal manam du doy faw ñu néma samba la dal et que samba wirna maintenant benen bi ci def kon lolu déjà moy préalable mais maintenant ñu supposé ni amna ñun liñuy gëm moy né du né waji dako fajj dedet comme ndep yi la mel xam nga ndep leg leg nga gis nit ko xamantene dañ koy yobbu ci ndep yi ndeppal ko mu wër mais en fait wirou le c'est que rap yi dañu jël ay congé lool moko dal et que dañuy delu ci wat de toute façon dañuy delu ci wat comme exemple biñu ci faral di joxe moy comme ben way tay bu taxawon fe bu ñewon duggu ci jël kiwam revolveram dal di ñuy tim dal di 200 euros parce que dafa bëgg tux dafa bëgg yamba bu mu tuxé ñu dal ni gaay nañ xol ku ñu joxe ma joxe 10 euros ki joxe 5 ki joxe 20 ki joxe bo ma 200 ñu ko saway 200 yi dé té nga dem mu dal di dem ñun dañuy amandi jamm dañuy am jamm parce que jox nañ ko lim bëggul mais bu déngé bu tux ba mu jeex ba xelam délu ci wat ba nga xamantene légui bëggat na yamba ji té amatul lu mu ko jëndé da lan fébé ba mu fa démé ba ma né 200 euros dañ mako jox bu ñëwé bi fa dé nak 500 euros gaay dajalé wat jox manam non lay démé en fait du wër lolu mënul wër lo nit lo tax li yent bi wax né sallallahu alayhi wasallam yalla def safara ci sama xet bi lo xamantene daf ko haramal ci ñom ba nopi lolu muy deug wallahu ta'ala mais man li ma lay dama ci kiss gisuma sa man la dal wa en fait comme par exemple febar wa guddigi may teug du man neraw wa mais l'affaire du shaytané wa am ben way bu ne sampa amna kuma xam beurep sangam mu yobbu mako wa wañ duwol ma ci bir xam bi wa sangama ba pare wa tek ma jël ay xop ñey ko buruse ko wa ne doomon togal ko fondé mu togg fondé mu def ci lu mom mu jox mako man nan ko sama yaram bi ñak toy mi ne ma demal suba nga wër mané way man mané sama xel mais ki newul inshallah sax ak chrétien la pourtant man mané inshallah comprendre mais man bi may ñew bobu da naka foko nan dena mais bi may ñu gisuwat ci yor bi way ñu bi dara dara ko sama yaram ngay xolé xamni ki febaron na quoi bima démé tamit franchement ni néma demal suba nga wër buma démé wër na cioc mais man néna inshallah da wam ci non wëru man japp moy wër non xam nga lutax ma japp ni wëru dina len netali ay xéti jaar jaar yu bon peut-être que dou day koudi mais c'est parce que man tamit gisna daluma nak mais gisna ay nit ñoo xamantene dañuy dox melni dañ ni ciot fekk ci seen kaw bu ci ay seen fouf ay sheytaane ñu ngi leen habité ay rap ñu ngi leen habité voilà rap yi nak ñoo ñu gëna guddu fan seen dundu ñun buñu dundé benn bëss wala ñun buñu dundé 100 ans ñom mën na nek rek mën na ko nek rek benn bëss ci ñom wala ñaari bëss ñun donc mënuñu japp né manam parce que tout simplement yëgëtuñu manam mbir mi ci jëmmé bopom keñ wërné dédé bëri na nit ko xamantene gisna bat man gisna ci lu bari sax du bénn du ñaar du ñett du ñett lu bari ay nit ñoo xamantene dañuy dox fekk rap bi leen habité di leen deflo di leen waxlo de telle sorte que ñoom amatuñu sax cadeau parce que bañu nekké xalé biñu amé ay 2 3 ans ci la leen rap bu dugg ba niñu nekké biñu leen démé ba génni leen takalé leen ak rap bi xamatuñu won dara dañu melni xalé bu am 2 ans mënatuñu sax wax manam amatuñu sax langage lak biñ doon lak sax déggutuñu tellement que meunatuñ leen won différencier entre ñom ab rabbi té pourtant ñi ngi fi won di dund ak nit ñi normal lolu man limay conseiller limalay conseiller xeyna après ñu waxtanat moy nga faju wat mais faju bo xamantene dagal na bu boba di nga gis ni effectivement ndek te yow wiro won wallahu ta'ala en fait ci jëm mbir mi la ba xam dagal na am def non jëm mbir mi daganul da fekk dem gis ko xamantene du julit mu fajjul mu defal la lo xamantene da fay dugg ci côté bo xamantene daganul manam l'islam munu ko permettre manam du jëmmi dem gisi ku lay fajj ku dul julit du bo problème bobu lolou du problème bi mais li problème bi moy ki nga gis lamu la fajé mo baxul manam du jëmmi voilà parce que sinon médecin mën nga gis am médecin bo xamanteni du julit lolou mën na né contraire voilà bu julit di jëlé alcorane fajj ki nga xamné du julit waaw bu boba ñaar possibilité mën na né mën wër ku mën bañu wër mën wër ku mën bañu wër comme li nga xamné non la alcorane hon nazzulu min alcorane ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara wacce nañ ci alcorane alcorane wacce nañ mu nek lo xamantene safara la pour ñi nga xamantene way gëm lañ lool mom ak yërmane ñom pour ñi gëm ñi safara la ak yërmane waye nak ñi nga xamantene ay togn kat lañ mom du leen yok loolul ak perte manam loolu tax nit ki su fajoowe alcorane te wëru na xolaat bopum surtout mom est ce que mi ngi ci yoon bi wa wala de parce que ñu bari ci ñun legi xam nga fan la togn jito ci domaine alcorane fan la ñëkke moy d'abord nga ñëkke japp ne alcorane bi mënu la fajj ndax doyul parce que alcorane bi nga xamne moy cadre borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mo lamb lepp su fekente ne munu la fajj ma la ko wax wallahi alazim lenen dula fajj su fekente ne japp nga ne lolou wax nañ ko fi waxat ko japp nga ne fatiha bi nga wara tari ci suba gi ayatul kursi bi ñet ikhlas ñet falaq ñet nas lolou munu la a jor ngay mam nga tari ko suba ak ngor tel nga japp ne munu la a ayatul kursi bi ngay fanano nga xamantene normalement soko tare daf lay ar yow waye ak 40 keur yi la wër ci côté bu ne su fekkete ne japp nga ni li doyul pour man la ar yow lool mom moy yow amul leneen lu la meuna ar te ar gi mlay ar yep da fay aju tamit ci est ce que yow da nga bok ci ñi gëm te seen gëm deug wala jëf parce que yenen ci parce que borom bi moko wax subhanahu wa ta'ala wacce nañ ci alcorane lo xamne safal ak yermane ñeel ñi gëm waye togn kat yi mom bu len yok lu dul ak perte risque te borom subhanahu wa ta'ala neena wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura su fekkentene da ngay jang alcorane dañuy def sa digeunte yow ak ñi nga xamne geemuñu alakhira ben ki ray bo xamne mo lay neub lool mom moy tax duñu mëna atteindre ce qui fait que ni boy jang lool amul dara lu la mëna lool yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam neena bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ku xey wax ko ñett yoon bu gonto nga wax ko ñett yoon dara du la mëna lool amul lu la meuna lorat amul su fekke li yent yi wax sallalahu alayhi wasallam dul pour meun la ar sincèrement jappal ni dara lenen meunu la ar parce que yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mo geuna xam li meuna arate su fekke mom parce que lolu ben problème la bo xamantene ma ngi jéggelu ci kibi mais benen problème la bo xamantene dafa graw ci suñu xet bi ak suñu jamono bi ci suñu génération moy le fait que nit ñi dañu japp ne legi ñaan yelennti bi sallalahu alayhi wasallam jangale won doyotuñu il faut que nga gis masamba wala mademba mu jox la ben affaire affaire bobu rek mo lay meuna sauver moy tax woytu affaire bi il faut mu nek lam de quelque chose de constant manam mu nek xetu talsam wala xetu yenen yo xamantene ay bokoy sikkar sax yoyu sincèrement du lo wërëm bu defar seen bir ni defar li defar li lijeenti mbiru ñepp mi ngi ci alcorane ak sunna yenté bi sallallahu alayhi wasallam ku ko fi teggi japp ne leneen mën na la sauver non seulement waxuma la ñak teggine gi nga am rek ci digënté ak yalla sa digënté ak yalla yenté bi sallallahu alayhi wasallam manam ñak teggine gogu rek xawma nan la ko nit mëna doxale waxuma la li nga xamantene mom mo ci teggu ci ay conséquences ci gëm gi ngay gëm ne manam loolu mëna genn nit ci l'islam sax le simple fait que nga japp ne yenté bi sallallahu alayhi wasallam wax dul yentou bi amna ben affaire bu nono amna lu ci laqatu te lolou dang koy gis ñimi gëna dal moy ñi yëngatu ci lasrar lasrar ki la xet ay xet xam xam la yo xamne moy ay dañuy am ay xéti yenn zikkar yu laku yi wala yenn affaire yo xamantene dañ koy bind muy nek ay xéti safara wala ay ki manam bet bon melna xam xam bu juste la mais bo xamantene gaay dañ détourner affaire bi dañ ko détourner mais xam xam la bu juste bu réel bu wër bo xamantene mais xam xam la tamit bo xamantene dafa réservé c'est à dire que du lo xamantene ñepp dañ ci am accès yiñ ci wax nak amna té xam xam la bo xamné wërna sauf que gaay dañ ko détourner et que da ngay gis ñi ci yëngatu dootu ñu faral di gëmati né par exemple ayatul kursi buñ ko jangé ci guddi gi doyna pour arlin ñom dootu ñu faral di gëmati lool fofu nak bokku na ci piège yu mak yi leen sheytaane ter teureul ba paré mais ba paré nga xamantene feul rek lay tok dañuy ñëw rek mu xëcc ñu daanu ci biir bokku na ci piège yu gëna mak yi leen sheytaane teureul moy bobu moy le fait que dañuy japp ne bala ngay muccu da nga ci gis fim tollu ku yëngatu ci lasrar deug bo gisé dang koy xamé souvent boko né man day gis na ben ñaan bo xamné nga mëna ben secret ki lu bu maga mag nga né ko mëna la lan la nga ko en fait da ngay jang fatiha ben yo nga jang ayatul kursi ci fa net fa da ngay gis dalay rétal parce que day japp né saway ki xamul dara ba paré day japp né dafa élémentaire voilà dafa élémentaire benen bi ci dess moy day japp né manam yow fi joxo boko lo xamantene da nga nan ko li dé autour lo xamné déjà day kilométrique ñaar ñaaral bi ci dess moy day bëri ay je revo ñett suttu ñett xaraf yoy jir za ak grain ñu la wax tal sam dañ ci bëri akhé yu mel non fi waxoko lo ba paré musuko gis ci tam lolé benen mur la il faut mu néd wo xam tamit mo musuko gis bu boba soko ko joxé da nan la saway nak saway affaire biñ ma jox han manam day japp né jox goko lu réré alors que fatiha bi japp né ni joxoko dara boko waxé fatiha né ko ayatul kursi nanga day japp né joxoko dara wax na len ko fi tahsin yusira matidal radiyallahu ta'ala tahsin bi mu don def moy fatiha la dan tari ak 11 ikhlas lolou la dan def pour moko dan ar lolou la dan def voilà lote même mo na ci do moy xam ni nit ki febar ni sel tare mo ci débal bu mu yoni sétane kuddu bu mu nekké xalé noko noko distinguer fébar sétane la mu fébar fébar normal sama da fay xam non en fait par rapport ak limu wax sank par rapport ak limu wax sank la non non non nga dé am ñu xam la distinguer ndu bu ñégué xalé wa parce que biñu len fajé la ko xam manam man xawmuko won avant dama len daj amna dama len len gis comme lima lay gisé ñu dundu di dem di delu nit nit ku nek day am ak setan muy ci dodé ci doal ak setan d'accord wa koku wa lolu karine la tuddu non koku bokku la setan ko xamanteni non bokku tuddu bokku comme li nga wax ni li la ak aljou kursi nit mu ne yew le matin bu dem liggéey demul sa aljou kursi wa Julie, Julie Fayandem, j'ai eu un coup. Bon, t'as vu, j'ai eu un coup. Je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, pour suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, parfois. Seitané yoy fiñu joggé dafa bari ay horizon amna ño xamantene dañuy dox ci mbéd mi parce que c'est que réalité bi dafa raglu mais deug la lima lay dox ni deug la 90% wala lu ko upp ci ñi ngeen di gis ba ci ñi ngeen di jétaayo di tok ak ñom seitané dugg ayam lañ ay jinné yu leen dugg di habiter leen habiter seen corps comment lo xafé voilà lool la lay wax ni mën nañ ko xam nga gis nga da nga ci gis ko xamantene da ngay japp ne amna ko moko netti tan yi rek mais sa ay dañu yu jël ben way buy def buy roxé ak ko ñu indi ko seen kër té gaay ñu ñu dem ni waaj mais c'est que ay kaadu motax muslu way jarul xef il faut toujours yoy def parce que occasion bu seytane di mën saisir ben jinné quoi mën saisir parce que ñoo c'est que ñoo li bizarre té lolu bon man amna xamna ni amna mais amna problème quand même comprendre nan lañ mëna amé lolu rek pour ambition manam moy seen dundu yépp dañ koy ték rek ci nan lay def bu dugg kenn ba diko yakal lu mu dugguma yak ko nek ci ki bu naré def li mu ki bu démé ba li na ra sorti ma yak bu ki manam et que après ma dëngël ko ma fexé ba mu yak ba mu sanku bayyi diini ji et manam ba paré lolou rek mu def ko option duggu ci bir nit ki indala njabotam et cetera dekk fa ba paré dañuy de ñom bu duggé nit dañuy japp ni territoire la bo xamné ñoko mom waru ñu ci gën fofu le problème bi nekk tam té dañ fay mëna dund mais fék yaag neen di may jamm ñom dañ lay may jamm lolou tax ngeen di gis tamit lolou peut-être que ku nekk ci ñun amna ci exemple wala dégg nako ko xamantene amul won benn problème ba kéro mu taxaw né légui man damay téggu ci diiné ji moment bobu nak lay commencer gis né commencer mais ay rabam di commencer yëngatu non dañ koy gis voilà né ñaan yoyu kuko def kërëm kuko def kërëm mo ñu tax nga resté bu nga may nga def radio ni ñu bien nga def arrangement bi wa al kursi wa muy rafeta am buy répéter sa bir cœur wa donc ak def bu ko taré ba différence am non man xawma différence bi xawma différence bi en tout cas ñaar ñep am nañ jarri mais nak nga diko taré c'est sûr que au moment où ci yow lay guiné déjà yow lay dëkk défa bu ko djéggu mo mo Oma wu ma degu ma lewa mo no mama wu boké yow lay génné yow lay dëkk défa wa nga ni boko déglu la tammi wa ci biir kër même temps di répéter di répéter di répéter en même temps même yow tar yow ko bëng ba koy déglu biir kër yépp di rir Donc, à quoi rien que des deux, à tout pour s'y régler des deux. Donc, ça peut être un peu plus. Et puis, on a eu des gens qui ont fait des choses. Suma toge bo amna par exemple ay nit ñoo xamantene buma joté comme man ay nitu leer la suma toge ak ñom damay sentir ben ki quoi secousse wala ñuy ci carré mo japp jek rek sentir ben secousse buma ki légui man dama daan japp né xeyna iman bi mo yékiti ko ndek ko ben ndek ni jinn bi mo doon yëngu ak ñu ko doon déra etc. Top la wala yoy nonou ba pare mat la xamal ni jinne duggu na la obligatoire waaw wu dama nga fajju waaw su fekente ne meus nga genti jugge ci kaw di daanu ci souf ci toufu kawé ni comme montagne wala garap wala avion rek daanu xamane jinné duguna la buré ni da ngay gis sa bop ni ci bir ay ki yu bat surtout par exemple di jigen ni mu gis bopam manam jigenu nit ko ñun mu gis ay tubab yu bare fess buri nek fu wër ko mo nga xamné am na ay jinné yu ko dug buré soudé tamit da ngay beuri lulay dal ni da ngay faral bi am luy beuri loy yaakar lo xamantene bo démé ba affaire bi djégué rek affaire bi moy yaakar bi tass xamal ni djinné mo la yakal et cetera et cetera ya ay signe yu beuri yu mel nonou la yo xamantene bu lay dal rek lolou la donc il faut nga fadj Non, lool bokku. Wala. Mais loola tax c'est important. C'est important parce que voilà ay nak par exemple digent ay nak ay nak yu bari ni c'est ça ni la digent maintenant su fekke dañ la mbeuk xer yu mel non mom moy mbeuk nañ la mom moy duggu nañ si contrairement nak ak tay par exemple ñu bari lu ñu par exemple bo gisé gaynde go xamantene dafa paisible pas gaynde bu soxor mais bu paisible lolu limi tekki mom moy ne amna rawhan bo xamantene peut-être amna ci ñaan yi ngay def benn bo xamne rawhan bi manam côté spirituel bi nga xamantene mom mo nek ci ñaan bi manam ki bobu dafa am benn être spirituel bu créé wu voilà dafa am être christ ki spirituel bu créé wu ci li ngay ki bo xamne mom dalay a voilà et cetera manam yoy yeb ay subtilité la ci mbir mi amma nak li lay fat mon waxon na len ko fi ñaan gogou moy 17 ayatul kursi pendant 40 jours yo xamne doko bayyi doko arrêter mais bu joté nga arrêter lool mom bala mo jot da nga 40 jours wa mais tous les jours nga tok de 17 ayatul kursi 17 amna préférence horaire wala non amul lool mom dalay fajj mom lool mom dalay fajj d'ailleurs sax bala mo yegg pour la plupart du temps di nga len gis soit ci gent wala nga tok sax ni deg len ñu ne ñu daw ñu ne lañ baay ñu baay la nga baay na non wala wala ñu lay menacer ci gënt geeg yoy mais lool mom du wala nan la boko bayiwul nangam dama ne ki alors ko dara manam fekk bobu ñom ñi ngi sonu motax dañ lay menacer man rek mais mënul lu tuñ la dara Mais Ayatul Kursi, effectivement, voilà, moi je ne en fait, moi je ne dégage, là moi Ayat je ne mange que Alcoran. Mais tu sais le au-delà de 40 jours, on ne peut pas savoir quel jour. Non, vous 17, vous avez 40 jours, donc vous arrêtez, peut-être après vous reprendrez le copain sous vous bouger. À chaque fois vous faites 40. Ouais, mais après là, il faut, maintenant, moi je dis comme les Malawi, Fatiha, niet Ayatul Kursi, non ben Ayatul Kursi, niet Ikhlas. Ñiati falaqi ñiati nasi mu diko def tous les jours su xeyé ak su gonto bu ko defé mu koy ar définitivement dafa wul ak sauf que def ko voilà manam après seytane yi mën nañ la tayel lo ba do ko def ñu la koy faké lo yoy tam dañ koy def effectivement quoi fukki ikhlas ak ben cheikh tidiane dal lool la dan def mu diko mu mu dan taxino on simulate les ilaye de bon wa khadis ko ko def trois fois aussi matin et soir bobu tamit wa bobu dalay ar wa bo bismillah allah la durma ma cheikh fo daw la sama salamu amna tamit yeneen xet moy comme lu dama nekke ki fatha ben yon après ikhlas 11 fois ki non pas ikhlas falaqi 11 nasi 11 wala bok voilà 5 ak 6 wala bok 25 ak 36 rotam man na ne yef ay kilo wallahu ta'ala insha mon là. Bah sur le masala numéro 9 c'est pas très logique parce que mon gars wax ci kaw wala ñi wax fofu amul ñi wax ci wedd mais non mais degul ñu li ngay wax non, je ne sais pas si je suis d'accord. Mais que si on est sur le point de mourir, là, ça ne veut rien. Wow. D'accord. Wow. Par contre, tu dis pour se soigner, ce n'est pas le cas. Sauf que tu dis parce que pour se soigner, on n'est pas sûr de guérir. Mais quand tu es sur le point de mourir et tu dis je dois manger, en fonction des personnes, ça se trouve tu manges. Tu meurs, ça se trouve, tu manges, tu meurs pas. Tu sais pas aussi, parce que chacun a une capacité d'absorber. Et il y en a qui peuvent tenir une semaine sans manger, il y en a qui peuvent tenir 4 mois. Waouh, mais du coup, sensation, oui. Madame, le mangue va d'aider, l'eau le mieux pour que tu vois. Mais si en face, par exemple, le médecin, il te dit, si tu ne lui fais pas cette intervention, ou bien si tu ne lui fais pas cette transfusion, tu vas mourir. Par exemple, si ton médecin, il te dit. Donc je vois pas en quoi c'est différent parce que la sensation aussi, si tu es sur le point d'hôpital en train de mourir, toi tu as la sensation de mourir, donc à ce moment-là. Non. Mais il y a des gens qui sont en fin de vie, les gens qui sont en fin de vie, ils savent qu'ils sont en fin de vie. Et aussi, non, pas nip, mais je vois pas en quoi. Non, bon rapport, la fièvre, am, agde. Et que, bon rapport, la lèque, am, agde. Oui, mais ma question, c'est que je ne vois pas en quoi, par exemple, une personne qui n'a pas mangé et qui a cette sensation de vouloir, enfin, de mourir, je ne vois pas en quoi la personne qui est sur son lit d'hôpital en fin de vie, sa sensation est moins, entre guillemets, légitime. Non, d'où sensation, oui. Non, d'où sensation, oui. Non, mais la probabilité, je vois pas. Voilà, la probabilité. La probabilité, ah. Voilà. Je ne vois pas en quoi c'est moins légitime. D'autant plus que si tu manges. Mais. Adjacent. Mais j'ai pas compris en fait. Ouais, ouais, d'accord. Non, non, non, là, là. Adjacent. Tu sais que. Qui peut le couler des idées. Mais du coup, tu ne connais que des. L'eau, il y a qu'un an. On peut même. Madame, je ne sais pas si tu as dit que tu as dit. Parce que. Qui nek mais ci gennaw ko le do mel na am tool yu koy joge pare buñu de ay laaj la ki lekul ce qui est évident lolu mom yakal na ni jarul sax parce que il suffit de l'essayer bo lekul panda voilà mais non non non xara rek xaram alors que ki fajuul meun na baña dé exactement voilà alors que lek mom bu dem hôpital chaque jour dañ la ko dox mo xam bo bu ñu mëne mom non mais manger c'est pas une obligation de résultat. Mais si l'hôpital a droit obligatoire. Voilà, la question qu'il y a derrière. Mais non, mais. La question qu'il y a derrière, c'est que si on dit ça, c'est ouais, si ouais. Par exemple, tu as une personne qui est sur son lit d'hôpital, et par exemple, on lui dit il faut que tu prennes tel médicament, sinon tu meurs. Et qu'elle a dit non, je ne prends pas, parce que dans ce médicament, par exemple, il y a de l'alcool. Oui. Et bien, si on suit le raisonnement que tu as dit, ça veut dire que elle va dire moi, je ne le prends pas. Alors que s'il y a, par exemple, une assemblée de médecins. Qui a dit que si elle ne le prenait pas, elle va mourir. Alors je vois pas en quoi c'est différent. Et est-ce que le fait que Moudjou le coup de fouet est réveillé? Bah, si ils me disent que si elle le mange, elle a une probabilité très grande de survivre. C'est pareil que la personne qui a faim dans le. Non, non. Bah, parce que qui l'est que. Non, il y a pas de. Juste... Peut-être que y a à comprendre, mais je pense que fini fini presque n'y a pas comprendre. Mais. Ni kou l'est que. Ku dem ba waja de su lekke dey jugat lolou c'est connu la famine fumu am bu nit ñi jekki di waja de bu ñu leen indilé aide humanitaire buñ ko sukkatoé ba lekk da ngay gis dañuy commencé dundat lolou ici tout le monde alors que faju bi amul obligation de résultat c'est-à-dire que buma fajo mën na wir comme mën na baña wir ñaka faju bi téréwuma dé ñaata yoon tam ngay gis ay exemple yo xamantene ay nit dañ leen di wax nan leen yow dañ nan waji li motax déwu manam tay fiim tollu bari nañ ko xamantene soit dafa amone fièvre yu soit cancer la wala benen xéx fièvre wala yoy ñepp yaakaar né waji day dé wala coma la duguna coma ñu né way médicament bi mo koy fék mi jëlu ko wala nangam nak mais ñu tok mu jekki jekki affaire renverser wu lolu ñaata ka lañ ci am on en a des milliers de cas alors que des mom alors que lek mom on a des milliers de cas et que à chaque fois ni muy démé moy bu waji lekul dans la durée mais day dé dans la durée day dé. Mais c'est bien aussi connu que par exemple quand une personne se vide de son sang, si on ne remplace pas son sang, c'est connu de partout que cette personne-là, elle est morte. Exactement. Lors du moment où qui dérête dit, nous transmettre dérête. Contrairement à ce qu'on a dit, parce que lors du moment où alors que contrairement ak lo xamantene médicament la bo xamné nañ né sobé mo ci né manam lo xamantene dafa haram mo ci né l'exemple benen exemple bi moy tay benen moy organique tay par exemple le fait que ki ben rein la soxlo pour dund alors que man awma droit jël sama rein jox ko En fait, pour mon exemple, c'est simple. Je vais la métaphore de l'hôpital. Pour l'hôpital, tu veux aller. Chaque jour, tu as un médicament. Mais chaque jour, tu as un médicament. Voilà. C'est évident que voilà, chaque jour, tu as un médicament. Parce que voler pour l'an de non lek ak nan mom bokou dou def da ngay di kok mom yak ak nan bu gëlu bu dañu fa def ci ngi def en fait moi je dis pas que si on mange manger etc c'est pas vital mais est-ce que comprendre nga liñ wax yépp ouais j'ai bien compris mais voilà donc c'est bon pratique le cas pratique c'est quand tu es à l'hôpital et tu as une personne qui est en train de mourir on lui dit par exemple si tu prends pas ça tu as une forte probabilité de mourir. Si dans le médicament en question il y a de l'alcool, en gros là ce qu'on est en train de dire là, c'est que. Mais est-ce que c'est possible que Moudé. Est-ce que c'est possible que nous disons qu'au médicament avec quand même Moudé. Oui, mais la probabilité est faible. Non, mais non. Et pourtant, combien de personnes ont été dans l'hôpital, nous l'avons de fait, je l'ai, nous n'y pas un cœur, Margot Balindio, nous avons. Combien fofu nonou lolou mo motax ki bi ñoo tolowul degré yi rek ñoo tolowul dafa probabilité bé di certitude voilà bé probabilité bi alors que bé certitude la suma lekul damay dé que suma lekké damay jugat dox ça c'est une certitude à moins que lenen dalat dalon ma lola ray ma mais du ñak lekk jema ray Chaque nouveau-né, tout le monde connaît. Il y a un petit côté de Seyta. Am ben côté droite bi ci côté droite bi pour côté gauche bi plutôt seytane bu fay nek benen côté droite bi malaka mo fay nek chaque nouveau né seytane bobu muy andal mom lañ wax karim la moy ko xamné da ngay ne lekkelo do len takaliko ba kérok ngay dé do len takaliko sauf que kokou mën na tout né nak ni sen karim bi soit donc mën na fi jek ba benn moment dootul amati benn effet ci nit ki c'est à dire que fi lay né rek mais il dafa incapable ci agir mënul agir ci dara parce que fi la né parce que nit ki ki mu habiter nit koku malaka bi dafa jël le dessus parce que koku luko malaka bi jox ci conseil dakoy def seytane bi lu ko jox ci conseil mu résister ba benn moment mu nekk ci lu bax di jaamu yalla ba day dem ba benn moment kok seytane bobu day tok rek dootul meunati agir dootul meunati amati capacité def dara il est bloqué mais falay ne parce que waji munul takaliko ak côté bobu non man munul kok munul bañe dund ak mom parce que su demete ba dundul ak mom rek nit ki dootul nekk day déséquilibré tout day nekk benen xéttu nit bu nekk te nit ku normal mais kokou nonou du mom moy agir ci côté buñ nane diw rap dako duggu ak yoy du kokou moy agir fofu sauf que rap bu duggu ci bir nit ki day soxla am connexion ak cheytane bobu et que bu établir connexion bobu ci lañuy meuna sot waji pour meun ko yakal mais su démé munul am établir connexion ak cheytane bobu et que muy dundou ki ci dess di dundou normal manam wa kokou non du meun tok fofu parce que nit ki zikar yi mi def tuddu yalla gi jaamu yoy non ñoy dominer nokoy obligé bu daw gennat daw du meun tok comprendre voilà maintenant kokou nak moy rab bobu c'est extrêmement rare que nit ki dominer ko ba tublo ko yeen ci bi nak salla sal neena mom tublo na bosam han karim bi wa mais c'est rare nit ku meun tublo bosam il te pousse à faire des choses, c'est indépendant de ta volonté quand même. Non, si, si, si, toujours. Mon nak, douman, amna tamit benen possibilité bu am, té lolu c'est extrêmement grave ci xarit yi. Lolu tax sagan baxul. Sagané diiné baxul. Té lu upp ci sheytaane yoy ñi ñi am ci seen kaw doole. Moy jigen ni. Parce que souvent duñu sollu jot. Souvent lool motax dañuy genn fi ci mbedd mi parce que solo ñu lu jot mais mu kum goor rek goor bo gis muy sol ay flotant ak yoy mais koku rek tek jinn bi duggu ko parce que il faut comme lool moy dal jigen ñu bari bari bari lool tax ngay gis ñi am rat souvent ci jigen ñi la gëna bari lool tax ci jigen ñi la gëna bari parce que duñ solo jot ba paré voilà donc ñom pour ñu dougulé c'est facile très facile mais jinné bi bu la xossé ba dougu bu la duggé après dalay mëna tout dépend maintenant ci ki mu dugg kan la na ndax mom nit ku lèr la wala nit ku lëndëm la etc ak di niveau degré leray gi fan la tollu pour mu meun pour jinne bi baña meuna am capacité baña meuna am pouvoir ci kawam etc et que karim bobu day jeki jeki de temps en temps leg leg meuna def bu gisé nit ki xamné ki yakal nako parce que karim bi le fait que mu am pouvoir ci nit ki diko def lolou liko neex bon pas à son esprit quand même mais ay diglé la ay influence insufflation lako jox sa way defel ni waxel ni defel ni bu kiwe mu mer loko et cetera ak yu mel non mais karim bobu tay par exemple mën na nek ak mom ba benn moment mu am doole ci kawam ba xamni ki domine ko totalement mu soxla demat ci kenen ku bes pour jël parce que ñom le fait que ñuy deungal nit ki yak ko alak ko lolu day tax ñom ñu gëna am pouvoir et que ci seen biir da leen di jox benen gëdd ñoo jox benen gëdd lay tax ñu am ñeek grat donc le plus que ñu yakal buñ xamé ni waji da fi dara tok rek té mom liñ bëggono am ci mom yëp am nañ ko ba paré ki nak parfois da ñu tanté ray ko waaw da ñu tanté ray ko parfois mëna ko door benn crise cardiaque benn attaque cardiaque rek vite fait waaye jekki jekki ñu waji dara jusu ko nangam nangam dañuy tanté def lolo parce que dañuy bëgg après dès la gaaw dem toxu ci kenen parce que sheytaane da ñen di délégué ci kenen après par contre su fekke waji mënalu len ñoom mënaluñ waji dara ben moment manam ci lañuy démé ba jekki jekki dootu amatu pouvoir ñu tok waji assommé len ñu nek fa mais duñ fa joggé parce que voilà mais dañ len di assommé et que rare parmi les nit ñoleen mëna tuugo ñoleen mëna tuugo amna tu like kon amna ñu yam nonu lan hobby waaw waaw moy comme non non non lolu lolu dedet parce que dafa spirituel non ay xobi kesse mom du dindi liguey non mais du dindi liguey bi day dindi fever bi na ci biir mais liguey bi dafa spirituel lenn mom lañ mëna wax moy ne xob bobu boko bol bo ci taré nangam ci ay aya wala bo ci taré nangam wala buñ ci bindé nangam bu boba xob bi day jël côté physique bi fajj ko et que liñ ci bindu wala liñ ci tari moy jël côté spirituel lool lañ mëna wax mais ci defo lool est ce que da nga na non lolu kessé dedet lolu tax ñu bari ñuy dugg ci côté lasrar bu sheytane da leena man parce que da leen di def lo ay yo xamné ay bokalé la ñu japp ni ñi ci biir ba tay sheytane bayyi leen ak sen li ci dess yépp comme que génné na leen ci l'islam ba paré soxlaatul ci ñom de leneen daan nañu yalla sam أقم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين